Scène 4. Les mêmes, un capitaine puis l'armée russe. Sire Ubu, les Russes attaquent! Ben après, que veux-tu que j'y fasse, hein? C'est pas moi qui l'aurais dit. Cependant, messieurs des finances, préparons-nous au combat. Oh, un second boulet! Je n'y tiens plus! Ici, il pleut du plomb et du fer, et nous pourrions endommager notre précieuse personne. Descendons. Tous descendent au pas de course. La bataille vient de s'engager. Ils disparaissent dans des torrents de fumée au pied de la colline. Pour Dieu et le tsar! Je suis mort. Ah! En avant! Ah, toi, monsieur, que je t'attrape, car tu m'as fait mal. Entends-tu, sac à vin? Avec ton flingot qui ne part pas. Ah! Voyez-vous ça? Il lui tire un coup de revolver. Je suis blessé. Je suis troué. Je suis perforé. Je suis administré. Je suis enterré. Mais tout de même, je le tiens. Tiens, recommenceras-tu maintenant? En avant! Poussons vigoureusement, passons le fossé, la victoire est à nous! Tu crois? Mais jusqu'ici, moi je sens sur mon front plus de bosse que de laurier, hein? Hourrah! Place au tsar! Le tsar arrive, accompagné de Bordure déguisée. Oh, seigneur, sauf qui peut, voilà le tsar! Ah, mon Dieu, il passe le fossé! Pif, paf, en voilà quatre d'assommés par ce grand bougre de lieutenant! Ah, vous n'avez pas fini, vous autres? Tiens, Jean Sobieski, voilà ton compte! À d'autres, maintenant! Il fait un massacre de Polonais. En avant, mes amis! Attrapez ce bélitre! En compote, les moscovites! La victoire est à nous! Vive l'aigle rouge! En avant! Hourra! Jean-Dieu! Attrapez le grand bougre!